بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله aujourd'hui le mercredi 26 Rajab 1442 de l'Hégire correspondant au 10 mars 2021. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée afin de poursuivre ensemble, bi'idnillahi ta'ala, l'étude du livre d'Ibn Jama' al-Kinani, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 733 de l'Hégire, et son livre s'intitule Tadhkiratu as-sami'i wal-mutakallim fi adabi al-'alimi wal-muta'allim. Ce rappel pour celui qui écoute la science et celui qui parle avec la science, l'étudiant et le savant, et les règles de bienséance concernant les deux. On a fini, alhamdoulillah, le deuxième chapitre de ce livre concernant le savant et les règles de bienséance qui concernent le savant, que ce soit en lui-même, avec ses élèves, avec ses cours, avec ses élèves, de manière générale et pendant les cours. Et aujourd'hui, on va commencer par le troisième chapitre, qui est certainement le chapitre le plus important pour nous, car il nous concerne directement. Il y a un grand intérêt à connaître tout ce que ce grand savant a cité dans ce livre, mais ce chapitre ne concerne directement car on est sur le chemin de l'apprentissage. Le troisième chapitre qu'il a intitulé Adabul Muta'allim, les bienséances concernant l'étudiant, celui qui apprend la science. Et de la même manière, il va parler dans ce chapitre de trois sous-chapitres. Le premier concerne les bienséances de l'étudiant en science en lui-même. Et il va citer 10 adab. 10 adab très importants pour طالب العلم. Le premier, il a dit الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. Donc il a commencé par l'adab le plus important pour talib al-ilm, pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'emprunter cette voie de l'apprentissage. Le premier adab et le plus important pour lui, c'est de purifier son cœur, c'est de purifier et de nettoyer son cœur de tout ce qui nuit à la pureté de ce cœur et tout ce qui le fait passer du cœur sain vers le cœur malade, et il peut arriver jusqu'à le cœur mort, wal'iyadhu billah, et ça c'est le cœur du mécréant ou de l'munafiq, la grande hypocrisie. Qu'Allah nous en préserve. En tout cas, il a dit qu'il faut qu'il purifie son cœur de toute tricherie, de toute corruption, de toute impureté et de toute rancune et enviosité et mauvaise croyance et mauvais comportement. Il doit purifier son cœur de tous les maux et de toutes les maladies qui touchent le cœur, notamment ce qu'il a cité à titre d'exemple. Pourquoi il doit faire cela? Il a dit لِيَصْلُحَ بِذَلِكَ لِقَبُولِ الْعِلْمِ, afin qu'il devienne bon et adéquat pour l'acceptation de la science. Le cœur, c'est le récipient qui contient la science. Donc, pour qu'il puisse devenir bon pour l'acceptation de la science et la mémorisation de la science et de se pencher sur les sens minutieux et d'arriver aux vérités subtiles, pour cela, il faut obligatoirement purifier ce cœur avant toute chose. C'est pour ça, comme certains savants ont dit, la science est la prière. La science est la prière de l'intérieur, la prière du fond et l'adoration du cœur. Et avec quoi tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala? Avec ton intérieur et ton fond. Donc ils ont décrit la science de cette manière. C'est une adoration de l'intérieur. Et de la même manière que la salat des membres et de l'apparence, la salat, comme vous savez tous, n'est valide qu'avec la purification. Et de retirer également toute forme d'impureté de son apparence. La salat n'est valide qu'avec la purification dans ces deux sens. La purification de l'janaba, de l'haïd, de l'nifas. Et les petites ablutions également. Tout ça rentre dans la purification, dans ce sens-là. Et également la purification du corps de toutes les impuretés. Que ce soit le corps, les vêtements ou l'endroit sur lequel tu pries. La salat n'est valide qu'avec ces conditions. De même, la science ne devient yani profitable qu'avec yani la science qui est l'adoration du cœur. Également, elle ne devient profitable et authentique qu'avec la purification de l'intérieur, de ce cœur, de toutes les mauvaises choses et de tous les mauvais comportements et de tous les comportements médiocres. Ensuite, il a dit « وَإِذَا طُيِّبَ الْقَلْبُ وَإِذَا طُيِّبَ الْقَلْبُ لِلْعِلْمِ ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكا. Et quand le cœur il devient bon pour l'acceptation de la science avec ce qui a précédé, alors la personne profite des bénédictions de la science, de la baraka de la science, et cette science va accroître et augmenter. De même que la terre, quand elle devient bonne pour l'agriculture, en la nettoyant de tout ce qui empêche de la cultiver, quand tu la cultives par la suite, après l'avoir nettoyée, alors les plantations vont pousser, vont grandir. Et comme dans le hadith, إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال سهل: حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. Comme il est cité dans le hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام, ce hadith est rapporté dans les deux authentiques, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: certes, il y a dans le corps un morceau de chair. Quand il devient bon, tout le corps devient bon. Et quand il devient corrompu, tout le corps devient corrompu. Certes, c'est le cœur. Et il a rapporté une parole de Sahl. Sahl ibn Abdillah Tustari. Sa kunya, c'est Abu Muhammad. C'est parmi les savants de Salaf, Asset, parmi les Asset, des savants de Salaf, qui avaient des paroles très très bénéfiques, notamment celle-là. Écoutez bien cette parole. Il a dit: حرام على قلب يدخله النور. Il est interdit qu'un cœur soit pénétré par la lumière. Il veut la lumière de la science, car la science est une lumière. Ça t'éclaire dans toute ta vie. T'agis avec science et avec lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à l'ignorant qui patauge dans les ténèbres et dans l'obscurité. Donc il a dit, il est interdit pour un cœur qu'il soit pénétré par la lumière alors qu'il contient quelque chose de ce que Allah déteste. Allahu Akbar. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Mais mes frères, n'oubliez jamais, ça, ces paroles de Salaf, c'est pour montrer comment doit être ton cœur afin que tu profites pleinement de la science. Mais ça ne veut pas dire, si tu vois en toi que tu n'as pas réuni ces conditions, ça ne veut pas dire que tu vas délaisser la science. Mais comment tu vas purifier ton cœur si ce n'est avec la science bénéfique et profitable, tirée du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salam, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Est-ce qu'il y a autre moyen de purifier le cœur si ce n'est la science comme cause et parmi les plus grandes des causes pour purifier le cœur? Donc il a dit, il est interdit pour un cœur qu'il soit pénétré par la lumière, et il veut la lumière de la science, alors qu'il contient quelque chose de ce que Allah déteste. Un cœur qui aime le péché, un cœur qui aime l'innovation, un cœur contenant des croyances égarées qui n'ont pas de fondement, un cœur qui aime ce que Allah déteste ou qui déteste ce que Allah aime. Comment ce cœur, il peut être pénétré par la lumière et rempli par la lumière de la science? Le deuxième adab, husnun niyyati fi talab al-ilm. La bonne intention dans la demande de science. Et là, il va te citer un certain nombre de bonnes intentions. Et là, vous voyez, les savants, combien d'intentions il peut avoir dans un seul acte. Donc, dans une demande de science, il a cité بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَالْعَمَلَ بِهِ وَإِحْيَاءَ الشَّرِيعَةِ وَتَنْوِيرَ قَلْبِهِ وَتَحْلِيَةَ بَاطِنِهِ والقرب من الله تعالى والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. Donc il a cité 6-7. Il a cité 7 intentions que tu puisses avoir dans ta demande de science. C'est-à-dire, c'est une seule adoration, mais tu vas englober cette adoration dans cette même adoration. Et ça même quand tu sors pour la mosquée, dans toute ta vie, nous, au maximum, on arrive à avoir une seule bonne intention dans une adoration. Wallah al-musta'an. Et beaucoup de muslimines, comme vous le constatez, les adorations sont devenues comme des habitudes, c'est-à-dire même pas une seule intention. Wallah al-musta'an. En tout cas, il a cité 7 bonne intention que tu puisses avoir dans ta demande de science. premièrement vouloir avec cette science la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction, son agrément. Demander la science pour Allah. Deuxièmement, parmi les intentions, vouloir mettre en pratique cette science. T'apprends pas pour accumuler des bagages et augmenter tes connaissances seulement. T'apprends pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour mettre en pratique ce que t'apprends. Et c'est pour ça les imams de salaf, tels que l'imam Ahmad, c'était connu d'eux qu'à chaque fois ils apprenaient un hadith, ils le mettaient en pratique ne serait-ce qu'une seule fois, afin de ne pas rentrer dans ceux qui apprennent et qui ne mettent pas en pratique. L'imam Ahmad a fait le hijama et a donné au hajjam un dinar, à peu près 150 euros aujourd'hui. Il a donné un dinar au hajjam. Il a mis en pratique ce qui a été rapporté du prophète alayhi salam. Il a fait le hijama et il a donné à Abu Tayba un dinar. Nabi alayhi salam a fait cela et l'imam Ahmad a mis en pratique ce qui a été rapporté du prophète alayhi salam afin de ne pas apprendre l'ahadith et de ne pas les mettre en pratique. Comparer leur état au nôtre. Troisième intention qu'il a citée, Ihya al-Sharia, de revivifier la législation. Car si les gens n'apprennent pas leur religion, cette religion va être oubliée et va disparaître petit à petit. Et c'est pour ça, vers la fin des temps, il va y avoir des musulmines qui ne connaissent de l'islam que la parole « La ilaha illallah » comme ceci a été rapporté dans le hadith. Également, vouloir avec la demande de science d'illuminer, d'éclairer son cœur et de remplir son fond avec la science et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette demande de science. Car la demande de science est une adoration en soi-même avec laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également de bénéficier de tous les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux demandeurs de science, son agrément et sa satisfaction et son bienfait immense. Et ça, c'est pas toutes les bonnes intentions qu'on puisse avoir dans la demande de science. Il y en a d'autres. Par exemple, propager la science. Propager la science. Et aider les musulmines à apprendre leur religion et s'en sortir de l'ignorance. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. Il a rapporté cette parole de l'imam, le guide des croyants dans la science du hadith, l'imam Sufyan al-Thawri. Il a dit ما عالجت شيئا. Il n'a jamais travaillé une chose de manière absolue اشد علي من نيتي, qui est plus difficile pour lui, plus dur pour lui que son intention. Allahu Akbar. Ces hommes connaissent ce que c'est la sincérité. La sincérité est très difficile pour nafs. Un nafs n'aime pas la sincérité. Comme a dit Sahl ibn Abdullah Tustari, il a dit que nafs n'aime pas la sincérité car elle n'a aucune part dans la sincérité. Elle n'a rien dans la sincérité. La sincérité, c'est entièrement pour Allah. Nafs, elle veut les éloges, elle veut l'estime, elle veut le respect, elle veut dunya, elle veut l'argent, elle veut tout ça. Mais quand t'es sincère, elle n'a rien. C'est pour ça, c'est dur pour nafs. Mais elle finit par s'habituer et par se roder pour qui Allah facilite cela. Donc, après avoir cité ses bonnes intentions, il a cité des choses qui corrompent la sincérité et qui peuvent la diminuer ou l'annuler. Il y a des choses qui peuvent diminuer la sincérité, il y a des choses qui peuvent l'annuler. Il a cité, il y a un critère qui englobe tout ce qui corrompt la sincérité et la bonne intention. Il a dit « Wa la yaqsidu bihi al-aghrad ad-dunyawiyya » il ne doit pas vouloir avec sa demande de science la dunya et que son objectif soit les biens éphémères de ce bas monde. Il ne demande pas la science par intérêt mondain, pour des intérêts mondains. Et il a cité des exemples. Donc, tout ce qui corrompt la sincérité rentre dans ce critère. Vouloir la dunya. Après la dunya, c'est plusieurs catégories. Il a cité de ces catégories de la dunya, il a dit « min tahsil al-riyasa » comme chercher à devenir une référence, une tête vers laquelle les gens reviennent. Chercher à prendre la place du commandement dans la science et qu'il devient la référence vers laquelle tout le monde revient. Vouloir cela est parmi les choses qui corrompent la sincérité. Et ça, comme ils ont dit les salafs, tel que Sufyan al-Thawri, حُبُّ الرِّيَاسَ آخِرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِ الصَّالِحِينَ. Vouloir le statut et de devenir une tête et une référence, ça c'est la dernière chose qui sort du cœur des vertueux et des pieux. C'est parmi les dernières choses qui sortent de leur cœur. Il y en a parmi les mauvaises choses qui vont sortir des cœurs des vertueux. Et ça tu le constates. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a plusieurs du'ats, c'est comme s'il lui prenait sa place. C'est comme si, il l'étouffait. Commence à lui chercher des choses pour le faire tomber. Et des fois, les deux, ce sont des salafiyins qui suivent les mêmes savants, avec la même aqida, le même manhaj. Mais c'est comme s'il y avait une guerre entre eux. Chacun attend l'autre à la première erreur. Au lieu de porter conseil, de faire nasiha, et si tu vois sur ton frère une erreur, de le rectifier entre toi et lui, et de garder ça secret du moment qu'il est revenu. Car le but c'est qu'il revienne, et non pas de savoir que c'est toi qui l'as conseillé, et que c'est toi qui as eu le privilège et le mérite de trouver cette erreur. Qui ne fait pas d'erreur ? Après, quelqu'un qui fait énormément d'erreurs, celui-là, on lui dit, comme quelqu'un qui ne sait pas gérer ses biens, on lui fait le hajr. On lui dit, t'arrêtes de faire des cours, tu vas apprendre ta religion. Tu vas apprendre ta religion d'abord. Mais quand les savants ils disent, les erreurs, c'est des choses qui puissent arriver à tout le monde. Et le savant, il peut avoir une erreur, même dans l'aqida, une erreur dans le fiqh, une erreur dans tous les domaines. Il n'y a pas d'exception. Mais le savant salafi, quand il apprend son erreur et on lui montre son erreur, il revient dessus. Il remercie celui qui lui a montré l'erreur. Et le demandeur en science, il doit suivre les savants dans ce adab. Donc, il a cité al-riyasa, il a cité wal-jah. Al-jah, c'est le statut. Il cherche le statut et l'admiration et le respect. Wal-mal et l'argent. Et ça, c'est les choses les plus dangereuses pour un da'iya. L'argent et les femmes. Si Allah le préserve de ces deux points, bi'idnillah, il sera préservé. Mais les deux choses qui touchent le plus les du'ats, et ça en général, ça touche pas le savant. Car le savant, de manière générale, le savant, il a pris de l'âge, les envies ont diminué, et l'attachement à dunya a énormément diminué. Il commence à voir l'au-delà devant lui, l'akhira, il voit sa station entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, presque d'une manière permanente, comme j'ai pu le constater chez notre cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. C'est un homme, quand il parle, c'est comme s'il voit l'akhira devant lui. نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. Et ainsi nos savants, ils sont comme ça. Surtout quand ils prennent de l'âge, ils se détachent encore plus de dunya. Contrairement aux jeunes, dans la da'wa, ils peuvent facilement tomber dans les pièges de shaitan, que ce soit ceux qui sont en lien avec les femmes, et en général de manière autorisée, des mariages, multiplier les mariages, et se marier, divorcer, ou l'argent, utiliser la da'wa pour avoir l'argent des gens. Donc ça, ce sont deux fléaux parmi les dangers, les plus grands dangers pour un da'iya. Et toute personne qui est dans la da'wa doit faire extrêmement attention à ces deux points en particulier, en plus des autres choses qui puissent être la cause de l'égarement d'un da'iya. Nous demandons à Allah de nous préserver. Nous ne prétendons pas être préservés de ces choses-là, mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de nous ces maux et de nous protéger, de nous raffermir jusqu'à le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Également, mubahatul aqran, défier et concurrencer ses égaux dans la science et vouloir les devancer. وَتَعْظِيمِ النَّاسِ et chercher l'estime et l'admiration des gens et chercher également وَتَصْدِيرِهِ فِي الْمَجَالِسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَسْتَبْدِلَ الْأَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ et également chercher à prendre les devants dans les assises et dans les rencontres, que ce soit dans les cours ou dans les rencontres entre frères, de chercher à ce que ce soit lui qui prend la parole, lui qui parle et les autres écoutent. Et il y a une grande différence entre celui-là qui cherche à prendre les devants et à orienter les gens vers lui. Il y a une grande différence entre celui-là et celui quand il est dans une assise, il se fait discret afin de ne pas qu'on le remarque pas. Il y a une grande différence entre les deux. Et le premier que j'ai cité, celui qui cherche à prendre les devants et à toujours que ce soit lui qui a la parole et qui parle, yani le signe de celui-là, quand il est dans une assise, si on lui donne pas la parole et on la donne à un autre, il se met en colère. Si on pose une question à un autre que lui, il se met en colère. Et en général, il peut même pas le cacher. Ça se voit sur son visage. Contrairement au deuxième, l'homme sincère, quand on l'interroge pas et quand on lui demande pas de faire une parole ou là quelque chose comme ça, il se réjouit de cela. Et il est heureux de voir que quelqu'un d'autre lui a suffi cette responsabilité. قال أبو يوسف أريد بعلمكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقل حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح. Il a rapporté une parole de Abu Yusuf. Abu Yusuf, bien évidemment, c'est Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari al-Kufi, le grand juge et le grand élève de l'imam Abu Hanifa. Le grand élève de l'imam Abu Hanifa, le plus grand élève de l'imam Abu Hanifa. Il a dit, Abu Yusuf, il a dit, voulez avec votre science Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, soyez sincère dans votre demande de science. Il a justifié cela. Il a dit, car je ne me suis jamais assis dans une assise en ayant l'intention d'être modeste et humble sans dominer tous ceux qui sont présents dans cette assise. Et je ne me suis jamais assis dans une assise en voulant dominer les autres sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me dévoile. Donc c'est Allah qui élève les gens. C'est pas parce que tu as parlé plus ou tu as parlé mieux ou tu as répondu à des questions que tu vas t'élever. C'est Allah qui élève qui il veut. Et Allah il t'élève en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur et non pas par rapport à ce que tu as dit avec ta langue. Et la science est une adoration parmi les adorations avec laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand elle est exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera acceptée. Et cette science va accroître et augmenter, et sa bénédiction va augmenter. Et s'il veut, par sa science, autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette science sera nulle, et elle sera gâchée. Et les efforts de celui-là seront en vain. Ils seront perdus. Ses œuvres seront perdues. Et peut-être qu'il sera puni dans Dunya avant l'Akhira. Il a voulu le statut, il n'obtient pas ce qu'il a voulu et il perd la récompense auprès d'Allah. Et ça, c'est conformément à une règle que les savants citent. Ils disent « يُعَاقَبُ بِنَقِيدِ قَصْدِهِ » Il sera puni avec l'inverse de son intention. Il a voulu dominer, Allah le dévoile et le rabaisse. Il a voulu le statut et le respect, Allah l'humilie. Donc il aura perdu et il aura raté ce qu'il a visé, il n'aura pas eu la récompense auprès d'Allah. Celui-là, c'est le vrai perdant. Ensuite, il est passé au troisième adab. Il a dit « An yubadira shababahu wa awqata umrihi ila at-tahsil wa la yaghtarra bi khida'i at-taswif wa at-ta'mil fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha wa la 'iwada 'anha » Il doit exploiter sa jeunesse et les moments de sa vie. Il doit les exploiter pour l'acquisition et l'obtention de la science. Il ne doit pas être leurré ni trompé par les ruses de Shaitan qui lui fait reporter ou qui lui donne des faux espoirs. À partir du mois prochain, je vais commencer un programme. Je peux te dire, tu commenceras pas. J'aimerais bien partir en Arabie Saoudite pour commencer à apprendre. En général, les gens comme ça, même quand ils viennent en Arabie Saoudite, ils apprennent pas. Donc ça, c'est des faux espoirs. Et c'est des ruses de Shaitan dans lesquelles tu tombes. L'homme déterminé, il commence à apprendre là où il est. Et il ne dit pas « je vais ». Comme ils disent dans la production, ils disent un homme d'action. Ils disent, il ne faut pas dire je vais, je fais. Il veut commencer un programme, il le commence le jour même où il a eu l'intention de commencer son programme. Même quitte à commencer avec 5 minutes, mais commencer tout de suite. Celui-là, c'est un homme déterminé, il y a de fortes chances qu'il soit aidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Shaitan, il sait que quand l'idée, elle te vient de commencer à apprendre, t'as une volonté, et t'as une ambition, et t'as une grande envie. Donc, qu'il peut pas stopper. Mais par contre, il te demande de reporter afin de diminuer l'intensité de cette envie. Et il arrive à te faire délaisser facilement par la suite. Donc, sois un homme d'action. Et pas un homme de « je vais faire, je vais faire ». C'est rare où les gens qui disent « je vais faire », ils font. Commence dès aujourd'hui, avec les moyens que tu as à ta disposition. Tu vas apprendre la langue arabe, tu as quelqu'un dans ta ville qui puisse t'enseigner, commence avec lui. T'as pas, et tu as un peu de moyens, il y a des gens qui donnent des cours. sur Internet. Il peut te suivre d'une manière individuelle. Donc, il y a des moyens. Il y a des moyens. Il faut faire les causes et Allah t'aidera et te facilitera. Il a dit, car chaque heure qui passe de sa vie ne sera plus jamais remplacée et n'aura jamais de substitut. Elle ne sera jamais ni remplacée ni substituée. Chaque heure qui passe de ta vie, tu ne la verras plus jamais jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque jour qui passe et qui s'écoule de ta vie, c'est un jour que tu ne verras plus jamais jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à celui qui est déterminé, il commence, même s'il meurt un jour après, il mourra sur cette grande volonté et cette grande détermination. Et c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une bonne fin. Car les actes valent par leur fin. Innamal a'malu bil khawatim. Et l'homme sera ressuscité selon l'état dans lequel il est mort. Ensuite, il a dit wa yaqta'u ma yaqdiru alayhi min al'alaiq ash-shaghilah والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل فإنها كقواطع الطريق ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق قال الله تعالى وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. Il doit faire son maximum afin de se débarrasser de toutes les attaches occupantes, tous les attachements occupants. L'attachement à dunya, l'attachement à manger, l'attachement à dormir, tout ça s'appelle des attaches qui t'occupent et qui t'affaiblissent dans ta demande de science. Donc il doit se débarrasser de toutes les attaches occupantes et de tous les obstacles qui l'empêchent d'arriver à la perfection dans sa demande de science et de fournir le maximum de son effort et d'acquérir et d'obtenir la science avec force et sérieux. Car ces obstacles et ces empêchements et ces attaches sont comme un brigand. Ils sont comme les brigands, ceux qui interceptent les gens et qui les volent. Et c'est pour ça, les salafs ont préféré pour le demandeur de science de s'éloigner de sa famille et de son pays et d'aller vers l'étranger, d'aller demander la science loin de sa famille, loin de ses habitudes et de ses connaissances et de son pays. Yani le pays, yani c'est pas forcément loin du pays, yani tout le pays, ça peut être loin de la ville, loin de la tribu. Ce qui compte, c'est de s'éloigner et d'aller dans des endroits où tu connais personne. Des endroits où tu connais personne. Pourquoi ? Il a dit لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق. Car l'esprit, quand il est occupé, et les pensées, quand la personne est occupée par plusieurs choses, ses pensées et son esprit se dispersent et s'éparpillent. Et il n'arrive pas à atteindre les vérités scientifiques, minutieuses, et qui demandent une forte concentration. Et d'être penché sur son étude de manière complète, comme Allah Azza wa Jalla dit. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine de l'homme. L'homme n'a qu'une seule poitrine, n'a qu'un seul cœur à foin dans sa poitrine. L'homme n'a pas deux cœurs dans sa poitrine. Il peut pas s'occuper de ça et de ça et de ça. Ça va le disperser et ça va l'affaiblir de demander ce qu'il souhaite demander, c'est-à-dire la science. Et c'est pour ça que certains parmi salaf ont dit, la science ne te donne une partie d'elle que quand tu lui donnes ta totalité. Que quand tu lui donnes ta totalité. Naam. Ça, toujours, comme je dis, c'est l'idéal. C'est d'être libéré de toutes les occupations et d'être uniquement dans la demande de science. C'est comme ça que tu puisses arriver à des niveaux très élevés dans l'ilm. Et plus tu as d'occupations, plus ça va t'affaiblir dans ta demande de science. Mais comme ils disent également, il l'a pas cité ici, comme ils disent, ما لا يدرك كله لا يدرك جله. Ce que tu ne peux pas avoir d'une manière complète et entière, tu ne dois pas négliger d'obtenir ce que tu puisses avoir de cette chose. C'est pas parce que tu peux pas demander la science de cette manière que tu vas délaisser la science. Mais tu vas faire selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala te permet et te facilite. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. الله أكبر. Écoutez bien ce que le Khatib al-Baghdadi dit dans son livre Al-Jami'. Al-Jami' fi akhlaq al-rawi wa adab al-sami'. Un des livres les plus précieux et les plus complets qui concernent les bienséances dans la demande de science. De le Khatib al-Baghdadi. Il a plusieurs livres dans ce domaine. Celui-là est un des deux. Il a un autre qui s'appelle Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Il est plus grand encore que celui-là. Tayyib, il a dit, le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, a dit, en rapportant cette parole de certains parmi les savants, لا ينال هذا العلم, il n'obtient cette science que celui qui a suspendu son commerce. Allahu Akbar. Il a suspendu son commerce et que celui qui a nuit à son champ, son jardin ou à son champ dans lequel il cultive, il a nuit à ce champ. C'est-à-dire, il ne travaille pas, il s'occupe pas de lui comme il faut. وَهَجَرَ إِخْوَانَ. Et celui qui a boycotté ses frères, yani boycotté, pas le boycott religieux qu'on pratique par rapport à l'innovateur ou par rapport à celui qui est aux pêcheurs, aux déviants, avec les conditions que les savants citent. Mais là, il veut dire, il s'éloigne des gens, même de ses frères, il va diminuer ses fréquentations, il va rencontrer rarement les gens, donc il n'obtient la science que celui-là, et il a terminé avec la pire de ce qu'il a cité ici. Les trois premières, yani, ça passe, mais la quatrième, comme vous allez comprendre, il a dit وَمَاتَ أَقْرَبُ أَهْلِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ جَنَازَتَهُ, et que la personne la plus proche de sa famille décède et il n'assiste même pas à ses funérailles, c'est-à-dire il n'assiste même pas à ses obsèques, tellement il est occupé par la demande de science. Écoutez le commentaire d'Ibn Jama'a. Il a dit وَهَذَا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مُبَالَغَةً. Ce qui a été cité, yani les points qui ont été cités, les quatre points, même s'il y a une exagération dans ce qui a été cité, فَالْمَقْصُودُ بِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ جَمْعِ الْقَلْبِ وَاجْتِمَاعِ الْفِكْرِ. Mais ce qui est voulu en réalité, ça c'est comme des paraboles qui ont été données, dans lesquelles il y a sans aucun doute une exagération. La personne la plus proche de sa famille, sa mère, son père, ou son frère, sa sœur décède, il n'assiste pas à ses funérailles, Mais c'est des paraboles qui ont été données pour montrer tellement il est pris par la demande de science et que son cœur, il est totalement concentré sur sa demande de science et il est à 100% dans cet objectif extrêmement noble au point où il va se négliger lui-même, il va louper des choses comme ce qui a été cité et ainsi de suite. وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رآه الخطيب فكان آخر ما أمره به أن قال اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. Il a dit que certains parmi les savants ont cité ce que le Khatib al-Baghdadi a dit à un de ses élèves. Il lui a dit de le mettre en pratique. Et il l'a mis en pratique. Et ensuite il lui a dit colore ton vêtement. Yani colore ton vêtement, c'est-à-dire avec une couleur foncée, afin que tu ne sois pas préoccupé par le laver. Car s'il a une couleur claire ou il est blanc, tu verras la saleté sur ton vêtement. S'il est touché par quelque chose, ça va se voir. Et ça va te préoccuper par le fait de devoir le laver. Car tu ne voudras pas rester avec un vêtement avec une tache comme ça, par exemple. Pour éviter cela, il lui a dit, colore-le avec une couleur foncée, comme ça tu verras pas la tache, et ça va pas te préoccuper de la demande de science. Et ce qui a été rapporté de l'imam Shafi'i, il a dit, لو كلفت شراء بصله ما فهمت مسأله. L'imam Shafi'i a dit, si on me charge d'acheter un oignon, je ne comprendrai pas une seule question dans la religion, dans la science. Je ne comprendrai pas une question dans la science. Yani, le sens, si il a des responsabilités, une charge de dunya, ça va l'affaiblir dans la compréhension des questions de la religion et de la science. Et ça va, yani, le ralentir dans sa compréhension. C'est ça le sens. C'est pour ça que vous trouvez que certains savants, même contemporains, tels que Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shangiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, et cet homme, c'est une exception. Bien évidemment, c'est une exception. Dans tous les sens du terme, un très grand savant salafi. Cet homme, ils disent de lui qu'il ne connaissait pas les coupures des billets d'argent. Il ne connaissait pas yani, la monnaie ou l'argent. Pourtant, c'était un homme qui avait un salaire, mais il chargeait ses enfants et sa famille de s'occuper de prendre le salaire et de dépenser et ainsi de suite. C'est pour ça, yani, c'est ça qui est voulu par les savants quand ils parlent de ces exemples qui sont donnés. C'est quelqu'un qui va arriver à des choses comme ça. Yani, c'est un savant dans toutes les sciences. Et toutes les sciences sont dans son cœur. Il n'a pas besoin d'ouvrir un livre. Ça, c'était Cheikh Mohammed Lamin Shangiti. Il enseignait les sciences par cœur. Rahimahullah wa ghafarallahu lah. Ensuite, il est passé au quatrième adab. Il a dit, an yaqna'a min al-quti bima tayassara wa in kana yasira. Qu'il se suffise de la subsistance à ce qui lui a été facilité, comme bien même c'est peu. ومن اللباس ما ستر مثله وإن كان خلقا فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع وبجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال تتفجر منه ينابيع الحكمة. Il doit se contenter également des vêtements qui lui permettent de se couvrir, comme bien même ils sont usés, et de patienter sur les difficultés et le manque de rizq pour obtenir la largesse dans la science, et de se préoccuper par unir son cœur et réunir son cœur de se préoccuper par réunir son cœur et son esprit sur la demande de science. Et c'est ainsi que seront explosées devant lui les sources de la sagesse. Yani, c'est comme ça qu'il va puiser dans les différentes sciences et arriver à des niveaux élevés. C'est ça ce qui est voulu. قال الشافعي لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح وقال لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس وقيل ولا الغني المكفي قال ولا الغني المكفي. Donc l'imam الشافعي a dit: celui qui demande la science avec la richesse et la fierté, il ne réussit jamais dans la science. Mais par contre, celui qui demande la science avec humilité et modestie et avec peu de moyens dans sa subsistance et en étant au service des savants, c'est celui-là qui réussit dans la science. Et dans une autre parole, encore plus explicite que celle-là, il a dit: cette science ne convient qu'à un faillitaire, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Mouflis. Ils lui ont dit: et le riche qui a sa suffisance? Il a dit: non, même pas le riche qui a sa suffisance. Et cette science, yani, fin de sa citation. Ensuite, il a, avant de citer cette faïda, je vais citer ce que l'imam Malik a dit. L'imam Malik a dit: قال مالك لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. L'imam Malik a dit: personne n'arrive dans cette science à ce qu'il veut et ce qu'il espère. Yani, vous constatez qu'il parle d'arriver à des niveaux élevés dans la science. Car ses préoccupations, ça te diminue, ça te ralentit. Mais ça t'empêche pas de continuer à avancer dans l'ilm. Mais eux, ils parlent d'arriver à des choses comme ce qu'eux ont atteint. Donc il dit: personne n'arrive dans cette science à ce qu'il veut et ce qu'il espère jusqu'à subir la pauvreté et préférer la pauvreté à toute autre chose. Fin de sa citation. L'imam Malik, il a hérité beaucoup d'argent de son père, mais il a tout dépensé dans la demande de science, jusqu'à ce qu'il a vendu le toit de sa maison. Il a gardé sa maison sans toit afin de pouvoir continuer à demander la science. Donc ces hommes, ils ont tout dépensé pour la science. L'imam al-Bukhari également, il a hérité de son père et il a dépensé son argent dans la demande de science. Il n'a gardé qu'une petite partie qu'il a donnée à quelqu'un pour lui faire du commerce. Il lui donnait les bénéfices de manière régulière pour subvenir à ses besoins. Mais lui, il ne vendait pas, il ne faisait pas de commerce. Donc c'est des hommes qui étaient totalement consacrés à la demande de science. وقال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. Donc l'imam Abu Hanifa dit: parmi les choses qui t'aident dans l'acquisition de la jurisprudence, c'est de ne vouloir que la science. C'est de ne vouloir que la science. Que son objectif soit uniquement la science. Et il t'aide pour te débarrasser des attaches. Des attaches, comme j'ai cité tout à l'heure, les attaches à cette dunya. Parmi les choses qui t'aident à te débarrasser des attaches, c'est de te contenter du peu quand on a besoin et ne prend jamais plus. Et de ne pas prendre plus que le besoin. De te contenter du peu. Yani, regardez. La première chose, se contenter du peu. Mais pas de manière absolue. Uniquement quand tu as besoin. Et quand tu as besoin et on te donne, tu prends ce peu et tu ne prends pas plus. Ensuite, Ibn Jama'a, rahimahullah, dit, فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم في لهم فيه القدح المعلى غير مدافع وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم. Donc voilà les paroles de ces imams, il dit. Voilà les paroles de ces imams. Malik, wa Shafi'i, wa Abu Hanifa. Et l'imam Ahmad, il a des paroles comme ça aussi. Voilà leurs paroles et leurs recommandations. Et ce sont des imams qui ont atteint dans la science les niveaux les plus élevés. Et ils étaient ainsi par rapport à Dunya. Et se suffisaient du peu de cette Dunya afin de rester totalement consacrés à la science. Qala al-Khatib, wa yustahabbu lit-talib an yakuna 'azaban ma amkanah li'alla yaqta'ahu al-ishtighal bihuquq az-zawjiyyah wa talab al-ma'ishati 'an ikmal at-talab. Al-Khatib al-Baghdadi, toujours dans son livre Al-Jami', il a rapporté de lui qu'il a dit: il est recommandé pour le demandeur de science d'être célibataire autant que possible, le plus longtemps possible de rester célibataire. Yani, pourquoi il dit le plus longtemps possible? Car il peut arriver à un état où il craint pour sa personne de tomber dans zina, dans le haram, ou l'iyadu billah. À ce moment-là, ça peut devenir obligatoire pour lui de se marier. Mais tant qu'il puisse patienter et supporter le célibat, il doit rester dans cette situation-là. Il a dit, il a justifié bien évidemment, il a dit, afin qu'il ne soit pas préoccupé par les devoirs conjugaux et la demande de la subsistance d'arriver à la perfection dans la demande de science. Car s'il se marie, la femme, elle veut manger, elle veut s'habiller comme ses sœurs, comme ses amis. Et quand il a des enfants, ils ont besoin aussi de manger, de logement, de. Donc, tout ça, c'est des demandes auxquelles il va devoir faire face. Et ça, ça va le ralentir et l'handicaper dans sa demande de science. C'est pour ça, le demandeur de science, talib al-ilm, il reste célibataire dans la mesure du possible. Le plus longtemps possible. Au moins jusqu'à acquérir une bonne partie de science. Et ensuite, yani, il peut se marier. Les savants, bien évidemment, yani, ils ont des avis différents par rapport à ce point. Ça, wallah alam, c'est l'avis le plus juste. C'est de regarder la situation de la personne au cas par cas. Il y a des gens qui peuvent patienter et ne pas se marier. C'est meilleur pour eux de ne pas se marier. Et des gens qui peuvent pas, c'est meilleur pour eux de se marier. Et comme j'ai dit, ça peut arriver à être obligatoire pour lui de se marier. Car si tu ne te maries pas, tu risques de tomber dans le haram, c'est une obligation de te marier. Wa qala Sufyan al-Thawri, man tazawwaja faqad rakiba al-bahr, fa'in wulida lahu faqad kusira bihi. Il a rapporté une autre parole de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, le guide des croyants dans la science du hadith, dans le même sens de ce qui a précédé. Il a dit, celui qui se marie, il a pris la mer, c'est-à-dire il a pris le bateau dans la mer. Il navigue. Dès qu'il se marie, il navigue dans la mer. Et celui à qui Allah donne un enfant, il a été brisé. Avec l'arrivée des enfants, il a été brisé. C'est-à-dire, yani, pour les raisons qui ont été citées précédemment. Tu te maries, yani, c'est comme quelqu'un qui voyage dans la mer. Est-ce que celui qui voyage dans la mer, il va se concentrer, il va se focaliser sur son apprentissage, mémoriser, tout ça? Et dès qu'il a l'enfant, c'est comme si son bateau est naufragé en plein mer. Comme si le bateau s'est brisé en plein mer. C'est-à-dire, il est pas loin de couler. Il est pas loin de couler. Yani Hachi, toujours comprenez ces choses-là, que ces savants, ils parlent d'arriver à quoi ils sont arrivés. Quelqu'un qui veut apprendre les obligations de sa religion, yani, il rentre pas dans ces choses-là. Mais là, il parle de quelqu'un qui se consacre totalement à la demande de science, qui veut arriver à un niveau élevé, qui veut arriver à ce qui est arrivé Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, les grands savants de cette umma, contemporains. Et il a terminé cette phrase en disant وَبِالْ جُمْلَةِ فَتَرْكُ التَّزْوِيجِ لِغَيْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ أَوْ غَيْرِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ أَوْ لَا لَا سِيَّمَا لِلطَّالِبِ الَّذِي رَأْسُ مَالِهِ جَمْعُ الْخَاطِرِ وَإِجْمَامُ الْقَلْبِ وَاسْتِعْمَالُ الْفِكْرِ. Et il a dit de manière générale, le meilleur, c'est de ne pas se marier pour celui qui n'a pas besoin du mariage ou qui n'est pas capable de se marier, n'a pas les moyens. Surtout pour le demandeur de science, dont le capital est sa concentration. Et dans le capital, surtout pour l'étudiant, dans le capital et sa compréhension, sa concentration, ces choses dont il a besoin, auxquelles le mariage et l'arrivée des enfants puissent diminuer. A-t-on le droit de ne pas se marier à vide? J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire à vide. Même si quelqu'un n'est pas dans la demande de science. طيب, le cinquième adab, أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقية العمر لا قيمة له وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. Le cinquième adab, c'est de bien répartir son temps, les moments de son jour et de sa nuit, les moments du jour ou de la nuit, de bien répartir tout ça et de bien partager ces moments afin de tirer profit de ce qui reste de sa vie. Afin de tirer profit de ce qui reste de sa vie. Car le reste de ta vie est inestimable. Le reste de ta vie est inestimable. Sa valeur est immense, si seulement tu savais. Et les meilleurs des moments pour la mémorisation, c'est avant l'aube, vers la fin de la nuit. Et les meilleurs moments pour les recherches scientifiques, c'est le début de la matinée. Et les meilleurs moments pour écrire et rédiger la rédaction, c'est la mi-journée. Et les meilleurs moments pour la lecture et la révision, c'est la nuit. Ensuite, il a rapporté la parole de l'Khatib al-Baghdadi, qui a dit « Ajwadu awqati al-hifz al-ashar, thumma wasat al-nahar, thumma al-ghadat. » Les meilleurs moments pour la mémorisation, c'est avant l'aube. Avant l'aube. Yani vers la fin de la nuit. La dernière partie de la nuit qui précède le lever du lobe, qui précède l'adhan de subh, autrement dit. Ensuite, ça c'est le meilleur moment pour la mémorisation. Le deuxième meilleur moment pour la mémorisation, c'est la mi-journée. La mi-journée. Et le troisième qu'il a cité, al-ghadat. Al-ghadat en général, c'est utilisé pour le moment entre le fajr et le lever du soleil. Mais Allahu a'lam, ce qui est voulu ici, c'est le ghadat, c'est ce qui vient, c'est ce qui est le moment entre la mi-journée et quand le soleil arrive au zénith. Yani la fin de la matinée. Pour que ça corresponde à ce qu'il a dit. Avant l'aube, mi-journée, fin de matinée. Wallahu a'lam. قال وحفظ الليل انفع من حفظ النهار ووقت الجوع انفع من وقت الشبع. Et la mémorisation de nuit est plus forte. Est plus forte et plus profitable que la mémorisation du jour. Et la mémorisation quant à faim est plus forte et plus profitable que la mémorisation quand la personne a bien mangé. Yani pendant le moment de satiété, quand il est bien rassasié, il a bien mangé. La mémorisation quant à faim est plus forte que la mémorisation quant à bien manger. Et les meilleurs moments pour mémoriser, wa ajwadu amakin al-hifdhi al-ghuraf, les meilleurs moments pour les meilleurs endroits pour mémoriser sont les chambres, c'est-à-dire les endroits fermés qui donnent sur rien. T'es entre quatre murs et plus c'est petit mieux c'est. Et tout endroit loin de toutes les distractions. C'est pour ça ce n'est pas recommandé de mémoriser dans un endroit, dans un jardin, dans un endroit de verdure, à côté de rivières et de lacs, ou dans les rues, ou les endroits où il y a du bruit, car tout ça empêche la concentration du cœur de manière générale. Il y a des gens, ils peuvent arriver à mémoriser comme ça, mais ça ne sera pas une forte mémorisation comme celui qui est entre quatre murs, il ne voit rien. Il sera encore plus concentré sur sa mémorisation, et c'est pour ça que sa mémorisation elle sera plus forte. 1h10, donc on va s'arrêter sur ça. Il nous reste 4 adab. On va les étudier dans le cours prochain, malgré que ces 4 adab, ils rentrent plus ou moins dans ce qui a précédé. Je sais pas si on les fait rapidement, 5-10 minutes, ou on arrête. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'arrêter sur ça, et nous finirons, bi'idhnillah, les adabs qui restent dans le cours prochain. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته